الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Lors du dernier cours, on avait lu l'histoire du prophète d'Allah qui était là, Yunus عليه السلام. Et on avait terminé de la lire. Aujourd'hui, on entame l'histoire des prophètes d'Allah, Daoud et Sulaiman, alayhim as-salam. قال الشيخ السعدي رحمه الله قصة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. L'histoire de Daoud et de Sulaiman عليهم الصلاة والسلام. وكان من أعظم أنبياء بني إسرائيل وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم القوي. أما داود عليه السلام فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت الذي اختاره أحد أنبياء إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش، كما قال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. Il dit, rahimahullah, que Daoud et Sulaiman, alayhim as-salam, font partie des plus grands prophètes envoyés aux fils d'Israël. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a accordé la prophétie et la sagesse. De même qu'il leur a accordé la royauté, une immense royauté et une grande force. Quant à Daoud alayhi salam, il faisait partie de l'armée qui était avec Talut. Talut, qu'un des prophètes envoyés aux fils d'Israël, a choisi comme roi pour les fils d'Israël. Donc Talut a été désigné roi des fils d'Israël par un des prophètes d'Allah azawajal qui avait été envoyé aux fils d'Israël. Il a été choisi roi, Talut, de par son courage et sa force, mais également de par la science qu'il avait en termes de politique et en termes d'organisation militaire. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 247 de Sourate Al-Baqarah, en parlant de Talut, et a accru sa part, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. ولما برزوا لجالوت وجنوده وصبر عسكر طالوت واستعانوا بالله تفوق داود صلى الله عليه وسلم على الجميع بالشجاعة العظيمة فباشر بنفسه قتل ملكهم جالوت وحصلت الهزيمة على بقيتهم ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر. Et une fois qu'ils étaient en présence des soldats de Jalout, l'armée de Talut a combattu l'armée de Jalout. Et l'armée de Talut a patienté, a enduré et a demandé l'aide d'Allah Azzawajal. Et on avait dit que faisait partie de l'armée de Talut qui? Daoud alayhi salam. Et Daoud alayhi salam a surpassé l'ensemble des soldats de l'armée de Talut dans son courage. C'est lui qui était le plus brave. Et c'est lui qui a tué le roi Jalut. Et suite à cela, suite à la mort de Jalut, qui a été tué par Daoud alayhi salam, eh bien, une défaite, la défaite de l'armée de Jalut s'en est suivie et Allah Azza wa Jal a par cela donné victoire aux fils d'Israël. Nabba'a Allah Daoud wa a'tahu al-hikmata wal-mulk al-qawi كما قال تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما كمال العبد، فقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله، وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. وكان الله تعالى قد سخر له الطير والجبال تسبح الله معه، وكان قد أعطي من حسن الصوت ورخامته ما لم يؤتى أحد من العالمين. فيلجي رحمه الله كالله عز وجل أفيد داود أن بخفت Et il a donné à Daoud la sagesse et un royaume fort. Comme il le dit Azza wa Jal dans le verset 20 de Surat Sad, « Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse ainsi que la faculté de bien juger. » Allah Azza wa Jal a donné à Daoud alayhi salam une force dans l'adoration est dans la clairvoyance. Et Allah Azza wa Jal a caractérisé Daoud par ces deux qualités. Deux qualités qui, lorsqu'elles sont réunies chez un serviteur, prouvent sa complétude. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 17 de Surat Sad, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et endure en ce qu'ils disent, patiente face à ce qu'ils disent. Qui ? Patiente face à ce que disent les polythéistes lorsqu'ils ont offensé le professeur Hassan par leurs paroles, notamment en le traitant de poète et de sorcier. Wadhkur abdana et rappelle-toi de notre serviteur Daoud, qui était doté ou qui était doué de force, c'est-à-dire dans l'adoration, et qui était plein de repentir. Ainsi Allah Azza wa Jal l'a caractérisé par une force immense dans ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Et Allah Azza wa Jal l'a caractérisé comme étant repentant, car Daoud alayhi salam connaissait parfaitement son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a mis à disposition de Daoud les oiseaux et les montagnes qui exemptaient Allah de tout défaut avec lui. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Daoud une belle voix et une éloquence qu'il n'a donné à aucun autre être humain. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Puis il dit, rahimahullah, en parlant de Daoud alayhi salam, qu'il dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième, et il jeûnait un jour et rompait un jour. Daoud alayhi salam, le qiyam de Daoud est qu'il dormait la moitié de la nuit, priait le tiers et dormait le sixième. Autrement dit, il priait combien de temps ? Il priait le tiers. Et il dormait ? La moitié plus un sixième. Il dormait ? La moitié plus un sixième, ça fait ? Calcul mental ou calcul mental. Deux tiers. Non. Deux tiers. La moitié et le sixième. La moitié et le sixième. Ça fait deux tiers. S'il dort un tiers de la nuit, s'il prie un tiers de la nuit à Afwan, c'est qu'il dort les deux tiers. Donc la moitié plus le sixième équivaut à aux deux tiers. Donc c'est le qiyam de Daoud alayhi salam. Et Daoud alayhi salam dormait la moitié de la nuit, c'est-à-dire la première moitié de la nuit. Puis il priait un tiers et dormait le sixième. Et les savants disent que celui qui prie la prière nocturne de Daoud alayhi salam, eh bien ce tiers qu'il priera coïncidera avec le dernier tiers de la nuit dans lequel Allah Azza wa Jal descend dans le ciel le plus bas. Et les savants disent également que de dormir le dernier sixième permet à la personne de reprendre des forces et de pouvoir accomplir la prière du matin et de pouvoir faire également les évocations, les adhkars et les du'as après la prière du matin. Donc il y a dans cela d'énormes sagesses, c'est pour cela que la meilleure des prières des nuits est celle que faisait Daoud alayhi salam. Et il priait aussi, il jeûnait aussi alayhi salam un jour et rompait un jour. Et il n'y a pas meilleur que ce jeûne. Lorsqu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris cela, lui a dit de jeûner 3 jours par mois. Puis il a dit, inni utiqu akthara min dhalika ya rasulallah, je suis capable de faire beaucoup plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de descendre, d'augmenter le nombre de jours jeûnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ce cas, jeûne un jour et romps 2 jours. Il a dit, je peux faire plus au envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ce cas, jeûne un jour et romps 1 jour. Il a dit, je peux faire plus au envoyé d'Allah. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La afdala min dhalik. Il n'y a pas meilleur que cela. Il n'y a pas meilleur que de jeûner un jour et de rompre un jour. Et c'est le saum de Daoud alayhi salam. Wa kana idha laqa al-aduwa ra'a al-khalqa min shaja'atihi ma yu'jibu al-nazirin. Wa qad alana Allahu lahu al-hadida wa 'allamahu san'ata ad-duru'i al-waqiyati fi al-hurub. وهو أول من صنع الدروع السردية ذوات الحلق التي يحصل فيها الوقاية وهي خفيفة المحمل وقد عتبه الله بسبب ذنب أذنبه بأن أرسل إليه ملكين بصورة خصمين فدخلوا عليه وهو في محرابه ففزع منهم لأنهم دخلوا عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد وتسوروا المحراب وقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ثم قص عليه أحدهما القصة فقال إن هذا أخي له 99 نعجة والمراد بها المرأة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي صار خطابه أقوى مني فغلبني فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية فانتبه لذلك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فمحى الله عنه الذنب وعاد بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة وقال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Puis il dit, rahimahullah, en parlant de Daoud alayhi salam, que lorsqu'il rencontrait l'ennemi, les gens étaient étonnés de son courage. Allah Azza wa Jal a également accordé à Daoud alayhi salam, Allah lui a amolli le fer. Qu'est-ce que amollir le fer? Allah Azza wa Jal a fait que le fer soit maniable et mou pour Daoud alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal lui a enseigné la confection des armures qui protègent dans les guerres. Et c'est le premier, Daoud alayhi salam, est le premier à avoir confectionné les cottes de maille. Qu'est-ce que les cottes de maille? Naam? Naam. Les cottes de maille, c'est une sorte de... une cotte, déjà, en français, quand on regarde le sens de ce terme, c'est une chemise. Une cotte de maille, et la maille, ce sont des anneaux qui sont reliés les uns aux autres. Et Daoud, alayhi salam, a été le premier à avoir confectionné des cottes de maille, c'est-à-dire des armures de maille, c'est-à-dire avec des anneaux de fer qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et les cottes de maille ont deux bénéfices. Le premier, c'est qu'elles protègent des coups, notamment des coups d'épée. Et le deuxième bénéfice est qu'elles ne sont pas lourdes. Les cottes de maille ne pèsent pas beaucoup, contrairement aux armures qui étaient faites de fer, de plaques de fer. Elles avaient l'inconvénient d'être extrêmement lourdes et avaient un impact sur le soldat lorsqu'il combattait l'ennemi. Pour cela que les cottes de maille sont beaucoup utilisées dans le domaine de la boucherie. Les bouchers ont des gants en maille, etc., pour se préserver, se protéger des coupures. Puis il dit, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal a fait un reproche à Daoud alayhi salam suite à un péché qu'il avait commis. Allah Azza wa Jal a envoyé à Daoud alayhi salam deux anges qui sont venus sous l'apparence de deux personnes qui étaient en conflit. Ils sont rentrés dans le mihrab de Daoud. Le mihrab, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un endroit dans lequel l'on adore Allah Azza wa Jal. Et les sanctuaires, à l'époque, se trouvaient dans les maisons. Se trouvaient dans les maisons, et c'est cet endroit était considéré comme l'endroit le plus noble de la maison, comme le dit Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Ils sont entrés dans son sanctuaire, et cela l'a effrayé, car ils sont entrés dans une heure où normalement personne n'entre. Ils ont grimpé le mur du sanctuaire et ont dit: n'aie pas peur, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans Sourate Sad, le verset 22. La takhaf, n'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité, ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. Donc ces deux hommes ont escaladé le mur du sanctuaire de Daoud alayhi salam. Ils lui ont fait peur et lui ont dit qu'ils étaient en conflit et que l'un d'entre eux a fait du tort à l'autre. Et ils demandent à Daoud alayhi salam de juger entre eux avec équité et de ne pas être injuste. Pourquoi ils sont venus voir Daoud alayhi salam? Car Allah Azza wa Jal lui a donné fasl al-khitab, lui a donné la faculté de bien juger, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis l'un des deux hommes a raconté l'histoire et a dit, comme Allah Azza wa Jalla le cite, toujours dans Surat Sad, « Celui-ci est mon frère. Il a 99 brebis. » Et il voulait dire par brebis, « femme. » Voici mon frère, il a 99 femmes. « وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ tandis que je n'ai qu'une brebis, tandis que je n'ai qu'une femme. Il m'a dit, confie-la moi. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ il a fait beaucoup pression sur moi. Daoud alayhi salam a dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le cite dans le verset 24, de Surat Sad, il a été certes injuste envers toi. Ton frère, ici les savants ont dit, les Mufassirin ont dit, ton frère, lorsqu'il a dit mon frère, cela, il est possible que ce soit son frère de religion, ou son frère de sang, ou qu'il ait dit son frère en parlant de son ami. Les trois sont valables, comme l'a cité notamment Cheikh Saadi rahimahullah dans son tafsir. Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à sa brebis. En demandant de joindre ta brebis à sa brebis. Puis il a dit, alayhi salam, beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et Daoud alayhi salam a su que cela le concernait. C'est-à-dire que le fait que ces deux hommes soient venus dans son sanctuaire à un moment où normalement personne ne vient pour lui exposer ce cas, il savait que c'était une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla a dit « وَظَنَّ دَاوُدْ » Et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Puis Allah azza wa jalla dit « Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. » Et Allah Azza wa Jal lui a pardonné ce péché. Et ici, les Mufassirin ont divergé sur quel est ce péché que Daoud alayhi salam a fait. Certains Mufassirin ont dit que ce péché, Allah Azza wa Jal ne l'a pas cité, car il n'y avait pas de bénéfice à le citer. Et que Allah Azza wa Jal nous cite cette histoire pour nous alerter qu'il éprouve ses serviteurs. Et d'autres savants ont dit, parmi les Mufassirin, que le péché qu'a fait Daoud alayhi salam était un petit péché, il était moindre, et ce péché est le fait qu'il est jugé sans avoir écouté l'autre homme. Car il n'a écouté que la version du premier. Il n'a pas écouté la version du deuxième. Et il a dit, لَقَدْ ظَلَمَكَ il a été injuste envers toi. Donc il a jugé en considérant celui qui avait 99 femmes comme étant injuste envers celui qui n'en avait qu'une. Et les savants qui ont dit que cela n'est pas une erreur de la part de Daoud, notamment Cheikh Saadi, ont dit que le récit du premier était amplement suffisant pour exposer la problématique. Et c'est pour cela que Daoud alayhi salam a jugé de suite. À la kulli hal, Allah azza wa jal, après cela, a pardonné l'erreur, donc qu'elle soit connue ou non, de Daoud alayhi salam. Et Daoud alayhi salam est devenu meilleur après son repentir qu'il ne l'était avant. Et grâce à cela, il s'est rapproché de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et Allah, azza wa jal, lui a accordé le plus beau des refuges. Et Allah, azza wa jal, lui a dit, « Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, car elle t'égarera du sentier d'Allah. » ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله وأما سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه علمه ونبوته وملكه وزاده الله ملكا عظيما لم يحصل لأحد قبله ولا بعده سخر الله له الريح تجري بأمره وتدبيره برخاء أي بسهولة حيث أراد غدوها شهر ورواحها شهر وسخر الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب إرادته يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وتذهب وتجيء بأمره حيث أراد وسخر له من الجنود من الإنس والجن والطير فهم يوزعون بتدبير عجيب ونظام غريب. Quant à Suleyman, le fils de Daoud alayhi salam. Donc Suleyman est le fils de Daoud. Et Allah Azza wa Jal lui a donné la prophétie. Et Suleyman alayhi salam hérita de son père. Qu'est-ce qu'il hérita de son père? Sa science, sa prophétie et son royaume. Et Allah Azza wa Jal lui a même donné un royaume immense, un royaume que personne avant lui n'a possédé et que personne après lui ne possédera. Donc celui qui a possédé le plus immense des royaumes, c'est Suleyman alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal a mis à sa disposition le vent qui soufflait par son ordre et par son commandement. Le vent soufflait avec modération. Il soufflait là où Suleyman alayhi salam voulait. Et il parcourait le matin, le parcours du matin avec le vent avait l'équivalence de la distance qui était parcourue en un mois. Et le parcours du soir, avec ce vent, eh bien, équivalait à la distance parcourue en un mois. Allah Azza wa Jal a mis également à disposition de Suleyman alayhi salam les djinns et les démons, qui faisaient pour lui les tâches les plus grandes, selon ses désirs, selon les désirs et les souhaits de Suleyman alayhi salam. Allah Azza wa Jal a dit, ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait, sanctuaires, statues, plateaux comme bassins et marmites bien ancrées. Et ces djinns et ces démons venaient et partaient en obéissant aux ordres de Suleyman alayhi salam. Allah Azza wa Jal a mis également à disposition de Suleyman des armées parmi les êtres humains, les djinns et les oiseaux, qu'il répartissait selon une organisation étonnante et admirable. وعلمه الله منطق الطير وسائر الحيوانات فكانت تخاطبه ويفهم ما تتكلم به ولهذا خاطب الهدهد وراجعه تلك المراجعة وسمع النملة إذ نادت في قومها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فحذرت وأمرت بما يقي من الخطر واعتذرت عن سليمان وجنوده فلهذا ابتسم سليمان ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله عز وجل a enseigné à Sulaiman alayhi salam le langage des oiseaux. Il lui a également enseigné le langage de l'ensemble des animaux. Les animaux s'adressaient donc à Sulaiman alayhi salam et il comprenait ce que les animaux disaient. C'est pour cela qu'il s'est adressé à la huppe et la reprise par ces paroles que l'on verra par la suite. Et c'est pour cela également que Sulaiman alayhi salam a entendu cette fourmi qui s'est adressée à son peuple, comme Allah azawajal nous le cite dans le verset 18 de sourate les fourmis, lorsque cette fourmi a dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulaiman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans qu'ils ne s'en rendent compte. » Ainsi, cette fourmi a mis en garde les autres fourmis de sa colonie, les a mis en garde contre un danger et a trouvé des excuses à Sulaiman et à son armée. Lorsqu'elle a dit « De peur qu'il ne vous écrase sans qu'il ne s'en rende compte. » Et c'est pour cela que Sulaiman, alayhi salam, c'est parce qu'il comprend le langage des animaux qu'il a souri et qu'il a ri lorsqu'il a entendu la parole de cette fourmi. Et il a dit, comme Allah Azzawajal nous le cite dans le verset 19 de Surat An-Naml, lorsqu'il a entendu les paroles de cette fourmi, Sulaiman alayhi salam a dit « Permets-moi, ô Allah, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك